punk à Tours au mois de juin. Donc ça, c'est des gros objectifs qui nous font vachement plaisir, quoi. Eh ben, tant mieux. Ben, merci à vous. Et puis, bonne route. Vous avez un cri de guerre, je crois, que vous répétez souvent. Ben, j'ai peut-être une question un peu bête, mais ça vient d'où ce cri de guerre que vous faites ? On s'était dit faut trouver quelque chose pour le cri du Yeti. Comme personne n'a jamais vu, ben, il a fallu inventer. Et puis voilà, c'est venu, c'est ça. Donc on le fait. Ouga ! Merci à vous, bonne soirée.